Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan M. Béchour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. La nuit rêvée de Didier Blonde. Lorsque l'on s'intéresse à un écrivain, ce peut être pour un de ses romans, ou pour deux de ses romans, ou pour un essai, ou pour beaucoup plus. Pour toute son œuvre, alors serait évidemment plus honnête, plus scientifique, et l'on pourrait ainsi en parler avec une plus grande légitimité. Bonsoir Didier Blonde. Bonsoir Philippe Garbi. Alors dans votre cas, Didier Blonde, j'ai l'impression que l'on pourrait s'entretenir avec vous durant des heures, sans n'avoir rien lu de vous. Ce serait dommage, et ce n'est pas mon cas, je vous rassure tout de suite, mais rien qu'en listant, c'est pas très joli, listant, mais enfin bref, vos écrits, romans, nouvelles, essais, articles. Parce qu'on devine tout de suite un univers des fascinations, des obsessions, et en même temps, on comprend vite, et alors là, il faut vous lire, que vous n'êtes pas pour autant un monomaniaque. Du reste, j'ai parlé d'obsessions au pluriel, et je devrais dire aussi des univers, des mondes, des sujets de curiosité multiples. Alors, il y a une multiplicité, oui, et il y a, malgré tout, un point commun. Alors, quel est le plus petit dénominateur commun entre toutes vos créations et critiques littéraires, Didier Blonde ? Écoutez, oui, bonne question, parce qu'on peut avoir l'impression, et puis moi, je veux dire, en avançant de livre en vie, en livre, j'avais pas du tout de préméditation. Mais je me suis rendu compte, les années passant, que je crois que le plus petit dénominateur commun, c'est le fantôme. C'est le fantôme. Alors c'est bien pour une émission nocturne. Oui, parce que je vis beaucoup dans un imaginaire qui fait appel à des fantômes du passé, essentiellement, hein, des fantômes du cinéma muet, par exemple. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Les fantômes du muet », ou bien les fantômes qui sont les héros de romans, notamment parisiens. Il y a tout un imaginaire parisien qui me hante depuis que je suis né. Paris est la ville où j'ai vécu, et j'ai toute une cartographie, et en reparcourant ces rues, je peux à la fois me souvenir, moi, de ce que j'étais, et puis de tous ces personnages imaginaires qui sont comme des fantômes, et parfois plus présents que beaucoup de vivants. Et puis il y a les fantômes qui sont les amis disparus déjà, et puis les fantômes familiaux également. Alors oui, vous savez, il paraît qu'on peut remonter à trois générations dans les souvenirs, l'histoire familiale, c'est-à-dire en gros les grands-parents. Et je me suis rendu compte, là encore, rétrospectivement, que je revenais très très souvent sur une période qui est qui sont les années 1910-1920 essentiellement. Il se trouve que à cette époque-là, enfin, mon père naissait, c'était la Grande Guerre, mon grand-père était à la guerre, et j'ai des traces, des souvenirs de tout ça, notamment de petits films muets qui ont été tournés par mon grand-père sur les fameux pâtés Babi de l'époque. Format 9,5, je crois. Voilà, 9,5. Oui, 9,5. 9,5, c'est 5. Ça. Oui. Avec la perforation centrale. Entre les images, tout à fait. Et donc, quand je revois des films muets qui ont été tournés par Feuillade, Léonce Perret, etc., de cette époque, j'ai souvent l'impression de voir des sortes de films familiaux. Je pourrais croiser beaucoup de ces films, c'était une des nouveautés de l'époque, ont été tournés dans les rues de Paris, et parmi la foule des passants, une espèce de figurant involontaire, je crois parfois apercevoir le fantôme de quelqu'un de ma famille. D'ailleurs, je suis tombé sur des coïncidences assez extraordinaires, il y en a certaines que je rappelle. Dans Les Vampires de Louis Feuillade, il y a une scène qui est tournée dans une rue, et je me suis rendu compte que l'immeuble que l'on voit tout à fait au fond était l'immeuble où habitaient mes grands-parents, justement, et mon père. Oui, mais vous ne voyez pas, vous n'avez pas vu passer votre grand-mère ou arrière-grand-mère qui serait une figurante en effet fugitive et malgré elle. Non, ça je les ai sur les films vraiment familiaux. Non, mais on peut rêver, vous savez. Oui, vous pourriez, Didier Blonde, finalement, faire du montage cinématographique et vous servir des feuillades et puis insérer comme ça, au même format, bien entendu. À l'arrivée, ce serait en DVD. Vous verriez votre grand-mère, arrière-grand-mère rencontrer Musidora ou je ne sais quoi, ou Fantomas. Oui, tout à fait. Non, mais ils ont été sur les lieux même, les lieux du crime, je pourrais dire. Hein. Le crime, vous aimez beaucoup. Hein. Oui, oui, oui. Vous avez cité le nom de figurant, c'est le titre de votre dernier roman publié chez Gallimard, Didier Blonde, on en parlera plus tard. Et alors le crime, c'est vrai que vous vous intéressez à Fantomas, à Rocambole, à Arsène Lupin, qui n'est pas un criminel, à l'inconnu de la scène, qui est la victime d'un criminel, sans doute. Alors, on va vous faire entendre une petite musique comme ça que vous allez identifier très très vite, puisque vous avez parlé de fantômes, vous allez évidemment reconnaître tout de suite de quel fantôme il va être question. Cette musique, elle est précédée, quand on voyait le feuilleton à la télévision, la musique était précédée d'un coup de feu qui déjà nous mettait dans une ambiance terrible. Parce que, évidemment, c'est un fantôme, c'est Belphégor. C'est le Belphégor réalisé par Claude Barma d'après le roman d'Arthur Berned, adapté par Jacques Armand, diffusé en 1965. Vous êtes intéressé à un autre Belphégor, adapté aussi du roman d'Arthur Berned, mais ça date de 1927. Oui, mais j'ai vu le feuilleton de Claude Barma en direct. Oui, mais il ne peut pas vous intéresser, il est beaucoup trop récent. Oui, 1965, enfin, bon. Pour Didier Blonde, c'est rien. Non, mais il m'arrive même d'aller au cinéma maintenant, vous savez, de voir des films. Vous êtes contemporain de vous-même, en couleur. Non, le feuilleton de Claude Barma, j'avais adoré. Mais c'est vrai que le premier, c'est... Henri Desfontaines, en 1927. Le film d'Henri Desfontaines, voilà, qui est un film formidable. Donc, avec ce fantôme... du Louvre qui m'a fait beaucoup rêver aussi. Voilà, encore un fantôme de plus. Oui, mais alors c'était... Quelle différence entre... Alors, puisque vous avez vu le feuilleton de Claude Barma peut-être en 1965, peut-être beaucoup plus tard, peu importe, et vous avez vu celui de 1927, ça, je pense pas que vous l'avez vu beaucoup plus tard. Mais quelle différence entre ce personnage... Ah bah écoutez, non, mais d'abord, c'est que l'un est muet. Voilà. Oui. Vous préférez nettement les muets, les morts, pour les faire parler. Voilà, exactement. Vous avez dit le mot juste, c'est pour les faire parler. Parce que c'est Desnos qui disait que le cinéma n'est pas muet, c'est le spectateur qui est sourd. Parce que ces personnages, ils parlent sur l'écran. Il suffit de tendre l'oreille pour peut-être les entendre. Leur voix peut nous parvenir jusqu'à nous. On est un petit peu leur ventriloque. D'ailleurs, très souvent, quand on sort d'une projection de cinéma muet, je ne sais pas si ça vous arrive, mais on a vraiment l'impression de les avoir entendus parler. Alors, c'est un petit peu confus, évidemment, ce ne sont pas des répliques bien écrites, mais il y a cette espèce de bruissement des voix. Et très souvent, même des gens qui sont un peu spécialistes hésitent pour savoir si tel film qu'ils ont vu est un film muet ou un film dans l'histoire du cinéma muet ou parlant. Tout ça se confond un peu. Oui, le cinéma muet, pour lequel j'ai évidemment un très très grand intérêt depuis très très longtemps, toujours, c'est d'abord parce qu'il sollicite beaucoup le spectateur, que je le trouve intéressant. Et puis, il y a ce mystère du silence, quoi. Vous savez, tout devient beaucoup plus intéressant quand vous coupez le son de votre téléviseur, par exemple. Hein, n'importe quelle émission devient beaucoup plus passionnante. Pas de la radio. Non, mais alors la radio, justement, on pourrait dire c'est presque le corollaire, enfin je ne sais pas comment on dit, la figure inverse. J'ai l'impression que tout art se construit sur un manque. Donc le cinéma muet, il lui manque la voix, la parole. La radio, il manque le visage. Et c'est ça qui est fascinant et qui sollicite beaucoup aussi l'imaginaire du spectateur. Moi, je suis un très grand écouteur de radio depuis longtemps, et toutes ces voix, je dois dire, m'ont enchanté pendant des années. Quand il m'est arrivé maintenant parfois de rencontrer en chair et en os ces voix incarnées, je dois dire que pendant un moment, je suis très très désemparé, désorienté. Il faut essayer de faire coïncider, superposer la voix et le visage. Donc c'est la même chose au cinéma. Le muet, il est en noir et blanc, même s'il y a eu des films en couleur dès l'époque du muet. Mais enfin bon, il est en noir et blanc. Et l'absence de couleur, c'est aussi, je crois, un atout, un élément important, comme s'il y avait, d'ailleurs d'une façon générale, je crois qu'on se construit sur ces manques. Donc le cinéma muet, oui, je trouve, il est une sorte de formidable tremplin pour l'imaginaire du spectateur. Et moi, il me sert en tous les cas beaucoup aussi comme embrayeur, on va dire, d'écriture, de prétexte à l'écriture. Puis il y a une mélancolie dans ces films, mélancolie du noir et blanc qui me séduit. Alors, ce qu'il faut vraiment, me semble-t-il, c'est voir les films muets sans musique additionnelle, parce que c'est épouvantable. Si un film muet, il faut le voir sur le silence. Alors, c'est vrai que c'est un peu désagréable pour les oreilles. Au bout d'un moment, on est. Alors, mais alors la musique plus. Oui. Alors, inutile. D'abord, il faut savoir que quand les films étaient projetés à l'époque, il y avait des muets, c'était toujours avec un accompagnement musical, tout le temps, avec souvent un pianiste qui jouait des espèces de morceaux faits pour ça, mais parfois il y avait des compositions qui avaient été commandées et avec des orchestres, notamment pour les premières. Le Gaumont Palace avait cette immense salle qui était le plus grand cinéma du monde, Place Clichy, en 1911. Qui avait plus de 4000 places, avait un très grand orchestre de près d'une centaine de musiciens pour certaines créations. Et puis un orgue, vous savez, les orgues de cinéma qu'on exhume parfois et qui ont des jeux absolument fascinants. Donc à l'époque, c'était toujours projeté avec un accompagnement musical. Maintenant, parfois, quand il y a des projections, il y a un pianiste, ou bien il y a parfois certains jeunes compositeurs qui nous proposent certaines musiques. Je dois dire que moi, j'ai fait l'expérience pendant des années à la Cinémathèque de Langlois, au Trocadéro, à Chaillot, quand j'avais 15 ans, quand j'ai mordu à cela, c'était projeté dans le silence total, complet. Quand il arrivait même qu'il y ait parfois un accompagnement musical, j'avais quelques voisins, on n'était pas nombreux, qui mettaient des boule-quies dans les oreilles pour replonger dans le silence. Je crois que c'est une expérience très très insolite, étrange, d'écouter ça dans le silence complet. Il y a une sorte de profondeur qui s'ajoute, un petit peu de parfois presque de mystère, un petit peu angoissant, mais c'est une expérience formidable. À notre époque où on vit dans le bavardage incessant, la musique d'ascenseur, c'est un excellent antidote au bruit contemporain. Alors j'ai dit, Didier Blonde, que vous aimiez faire parler les muets ou les muettes, les morts ou les mortes, mais comment faire en sorte, et vous y réussissez sinon vous ne seriez pas là, pour ne pas leur ôter le mystère? Ou alors, comment faites-vous aussi pour en ajouter du mystère? Parce que si on prend la liste de vos romans et des personnages, que ce soit Laila Maï, tous les personnages que vous avez traités à votre manière, écoutez, on referme le roman et on en sait beaucoup plus et beaucoup moins. Peu importe, on est satisfait d'avoir lu une œuvre littéraire déjà, mais ce n'est pas fini. Écoutez, moi, je pars, comme je disais, c'est un formidable embrayeur d'écriture. C'est-à-dire, sur un visage, sur des scènes de cinéma muet, je me mets à imaginer quelle pouvait être la vie de ces personnages, de ces acteurs. La plupart des acteurs de l'époque sont maintenant tombés dans l'oubli. Non seulement le cinéma muet, mais on pourrait dire qu'on est, nous, amnésiques, totalement de cette époque. Donc, ils font figure de simples passants. Et je suis fasciné par ces destins. Tous sont disparus maintenant, morts. J'ai envie de savoir, aller regarder comme ça, sur un écran ou une photographie, qui ils sont, d'où ils viennent. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? À l'époque de Muet, il y avait très souvent des regards caméra involontaires. et on ne recommençait pas la scène quand un acteur, ça arrivait, mais souvent des figurants dans la rue ou dans les décors, regardaient fixement la caméra. Ils produisent sur moi une sorte d'appel. J'ai envie de répondre à ce regard et j'entre dans leur vie. Alors j'imagine des vies, mais c'est vrai qu'en parallèle, sur ceux qui sont un petit peu connus, sur les lieux, je mène des enquêtes. Tous mes livres sont des enquêtes. Je vais sur le lieu du crime, ce que j'appelle le lieu du crime, c'est-à-dire que je le regarde comme s'il s'était produit là quelque chose de formidable, que j'essayais de relever tous les indices pour essayer de reconstituer ce qui s'est passé. Donc je me sers véritablement aussi d'éléments authentiques, véridiques, de la réalité. Je n'invente pas n'importe quoi. Je pars toujours de la réalité. J'ai vraiment besoin de cela. Je n'invente pas à partir de rien. Donc, si vous voulez, ce que vous pouvez lire, c'est souvent le résultat un petit peu de ces investigations pour essayer de reconstituer ce qui s'est passé, ce qui aurait pu se passer également. Mais ce qui est bien pour vous, c'est que finalement, ce ne sont pas des morts de vieillesse, rarement. Que s'est-il produit à 5h30 de l'après-midi sur une petite route de campagne déserte de la Seine-et-Marne, au lieu-dit de Prévert, entre les villages de Vaudois-en-Brie et de Jouy-le-Châtel, Didier Blonde? Un accident d'automobile. Il y avait à son bord la plus grande vedette de cinéma. On s'est mis à parler de star, d'étoile du cinéma, Suzanne Grandet, à bord. Et elle a été tuée sur le coup. Si elle n'était pas le sujet de votre roman Un amour sans parole, on l'aurait oublié, enfin elle n'existerait plus. Non, ce que je vous disais, elle est totalement oubliée. Alors, depuis, Gaumont a réédité quelques-uns de ses films, c'est vrai qu'on peut les voir. Cet accident de voiture, d'ailleurs, a sans doute contribué aussi à l'élaboration du mythe. Hein. La voiture, les accidents de voiture ont beaucoup aidé pour cela, pour créer des vedettes et des stars. Il y en a d'autres, elles partagent ce destin tragique. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un dont maintenant plus personne ne se souvient, alors qu'à l'époque, elle a été la première star du cinéma muet. C'est la toute première, en 1912, qui a eu droit à son nom dans un générique. Le générique n'existait pas avant. Il n'y avait pas le nom du réalisateur, pas le nom des acteurs, ni des actrices. Ce qui fait que les gens voyaient des films, ils ne savaient pas qui étaient, comment s'appelaient ces acteurs. Elle a été la toute première. Ce qui a déclenché, évidemment, un flot de fans, d'amoureux de Suzanne Grandet. Elle s'est mise à recevoir des lettres. Et quand elle a disparu, il y a eu des dizaines de milliers de Parisiens qui ont suivi son convoi de l'église de la Trinité jusqu'au cimetière Montmartre où elle est enterrée. On a beaucoup de mal, effectivement, à imaginer ça, mais il y a tous les documents, les actualités ont filmé tout ça. Elle était, tous les journaux ont annoncé sa disparition. Elle a été la toute première actrice pour laquelle il y a eu une rétrospective de tous ses films. Ça ne se produisait absolument jamais. Quand un film était projeté une fois, souvent il disparaissait. C'était détruit. Ou détruit, oui. Ça servait à fabriquer d'autres pellicules ou des produits cosmétiques. On récupérait le support en celluloïde. Donc ça a été quelqu'un de très très important qui a suscité des engouements. Je trouve ça fascinant, c'est disparu, elle fait partie de ces gens qui maintenant sont tombés dans l'oubli. Et c'est pour ça que j'ai notamment décidé d'écrire ce livre-là, Un amour sans parole. C'est pour lui redonner son nom, lui redonner, peut-être pas sa voix, mais qu'on se souvienne d'elle. J'ai l'impression que tant qu'on sera capable de nommer les disparus, ils ne seront pas totalement morts. Enfin, vous voyez, c'est une entreprise un petit peu impossible, romantique et, je ne sais pas, métaphysique, que de vouloir ressusciter tous ces morts. Même idée pour Leïla Maï, qui est un autre roman, Didier Blonde, publié chez Gallimard également, qui a obtenu le prix Renaudot Essai en 2015. Alors là, vous êtes parti d'une... c'est pas Cimetière Montmartre, c'est au Père Lachaise, Père Lachaise, oui. Un homme qui aime autant les fantômes, elle est disparue, doit passer sa vie dans les cimetières, non? Écoutez, c'est vrai. Alors bon, je n'ai absolument rien de morbide ni de macabre. Mais les livres, je non. me complais oui, absolument oui. pas là-dedans, pas du tout. Au contraire, c'est chaque fois. Mais c'est vrai que ce sont des lieux que j'étais amené à fréquenter comme tout le monde, hein, des tombes évidemment familiales, mais là, pour mener mes enquêtes, pour essayer de voir, une pierre tombale, je trouve c'est très, ce sont des lieux, je trouve, j'éprouve une forme de tranquillité, de sérénité. Et là encore, ce sont des lieux de un petit peu de silence, un petit peu des marges à l'intérieur de la ville. Donc oui, le Père Lachaise, qui est une sorte de musée en plein air aussi. Mais toutes les pierres tombales, je trouve que ce sont des romans en miniature, quoi. Un nom, des dates, deux dates, ça fait rêver et on a envie d'en savoir plus. Alors cette femme, oui, j'ai vu sa photographie sur une des cases du columbarium du Père Lachaise. Et comme vous le voyez sur la couverture, c'est une photographie, il y en avait très très peu sur les tombes et les cases à cette époque-là, elle est morte en 1932, qui est très très étrange, très insolite, qui détonne beaucoup parce que la plupart sont des médaillons où le défunt est un peu figé en costume. En majesté. En majesté, voilà, c'est ça, presque horrible. Voilà, de l'éternité. Elle, c'est pas du tout ça. Elle nous regarde avec comme si nous faisait de l'œil. Apple, oui. Elle est. Il y a une dimension sensuelle, voire c'est érotique, pas si elle est habillée très ou non, très hein. importante. Ouais. Voilà, on peut imaginer qu'au moins tout le, oui, la poitrine, les épaules sont nues. Et elle est très très belle. Elle est très très belle. Elle a la position de la main comme ça, un petit peu de nonchalante. La photo en plus est rectangulaire et plus grande que la plupart, on la voit de loin. Moi j'étais absolument fasciné par ce visage, et comme j'avais beaucoup fréquenté les actrices de l'époque du muet, je me suis dit, c'est une actrice de l'époque du muet. Il y a un autre élément étrange, c'est qu'il n'y a sur sa case que sa date de mort, 1932, il n'y avait pas de date de naissance. Et j'ai pas mis ça sur le compte de la double enquête coquetterie féminine. Mais ça m'a intrigué doublement, cette photo fascinante que j'ai vue pour la première fois il y a très très longtemps. Je devais avoir 25 ans. Donc vous voyez, j'ai laissé maturer les choses, mûrir les choses. Et voilà, je me suis dit, ben, je veux savoir qui c'est. Qui c'est cette femme? Est-ce que ça a été une actrice de cinéma? Je me suis lancé dans une enquête. J'ai découvert assez vite, vous pouvez faire la même expérience en allant sur Internet, qu'il n'y a pas que moi. D'ailleurs, j'ai été très très jaloux. D'autres personnes ont été également intriguées. Mais au Canada, au Japon, un peu partout, tous les pays d'Europe, il y a sa photo est postée comme ça, en souvenir du Père Lachaise. Et puis j'ai vu qu'on n'avait rien trouvé, donc je me suis lancé dans l'enquête, et je voulais savoir qui c'était, et puis essayer de lui redonner sa date de naissance. Je m'étais fixé ça comme terme, je me suis dit voilà, au moins ça sera ça. J'ai découvert beaucoup de choses. Et son lieu de naissance aussi. Et son lieu de naissance. Mmh. J'ai découvert beaucoup de choses, d'abord c'est que c'était pas, même si j'ai rêvé là-dessus, c'était pas une actrice de l'époque du muet, mais elle a écrit une femme de lettres, comme on disait à l'époque. Elle avait publié deux livres, que plus personne évidemment ne connaît, que j'ai lu, et j'ai essayé d'aller sur ses traces, Paris, dans les archives, comme je le fais à chaque fois, pour essayer d'en trouver cette date de naissance. Ça m'a pris beaucoup de temps. En somme, de toute manière, ce roman, c'est le roman de... C'est un roman vrai. Un roman je n'ai frais. Rien inventé. D'accord. Je n'ai rien inventé. Simplement, il y a la démarche et la oui, construction. C'est ça. Si non, mais c'est le roman d'une enquête, de toute manière. Oui, c'est ça. Parce voilà, qu'on, comme on je suit, le fais à chaque voilà, fois. On est avec vous, on suit, en effet, on attend que la ville de Paris ou les cimetières parisiens répondent. Et puis, il y a certaines personnes commencent à vous donner quelques petits conseils. Allez voir un tel, allez voir une telle, mais la personne ne reçoit pas tout de suite ou ça retarde un petit peu la découverte. Vous n'êtes pas, vous étiez un peu jaloux des autres personnes qui s'intéressaient à cette femme, mais après, il y a des gens qui, au fur et à mesure, sachant que vous faites cette enquête, ou après la parution du livre, puisqu'il y a une préface, je crois, il y a un post-scriptum, oui, qui nous dit voilà, depuis la parution, j'ai appris que oui. Bon, on va pas tout raconter. Non, mais c'est vrai que c'est important. C'est des rebondissements incroyables. Oui, oui. Et ça, c'est en folio. Fois, c'est en folio qu'il faut le lire pour avoir la. Les lecteurs participent. Voilà. Bon, j'attends des lettres à chaque fois. Et j'en reçois. Peut-être aurez-vous des lettres, Didier Blonde, après cette nuit qui est votre nuit rêvée, dont on va donner quand même le programme, ce que l'on n'a pas fait jusqu'alors. Tiens, Ciné-Club Musidora, Première Vamp et Dixième Muse, une émission de Patrick Casals. Vous avez travaillé sur Musidora. Puis, du jour au lendemain, Jean-Bertrand Pontalis, alors on va dire Jean-Bertrand ou JB ? JB. JB. Alors je dis JB Pontalis qui était au micro d'Alain Weinstein en 2002. Et puis dans la série Bonne Nouvelle Grand Comédien de Patrice Galbeau, c'était Juliette Gréco. Tiens, tiens, Juliette Gréco, belle figure, hein, qui lisait des textes de Jules Supervielle, l'inconnu de la scène. Mais c'est pas votre inconnu, c'est une autre inconnue qui n'est pas simplement dans Paris. Elle est aussi, elle va jusqu'à Rouen et au-delà. Et on se retrouvera à ce moment-là. Mais déjà, vous avez deux ou trois choses à nous dire sur Musidora, sur JB Pontalis et sur l'inconnu de la scène, Didier Blonde. Ah oui, quand je dis deux ou trois choses, vous avez une demi-heure, mais vous n'avez pas le temps. Alors, écoutez, oui, pour aller dans l'ordre, Musidora, voilà, c'est elle. Alors, je parlais de Suzanne Grandet, première grande star de muet. Héroïne d'un amour sans parole, donc héroïne dans la collection L'un et l'autre chez Gallimard. Fondée et dirigée par JB Pontalis. Musidora, elle a été aussi une très grande vedette de l'époque du muet. Alors elle, c'est dû à un personnage qui est le personnage d'Irma Vep dans La bande des vampires, le film tourné par Louis Feuillade en 1915-1916. Elle a été comme vampirisée par son personnage, sans jouer sur les mots, parce qu'elle a été complètement identifiée à ce personnage. C'est une femme, Musidora, exceptionnelle, qui a joué un rôle très important dans l'histoire du cinéma, puisqu'elle est devenue après réalisatrice. Elle a écrit des livres, des chansons. Elle a fait de la radio aussi. Et elle a fait de la radio. Et oui, on l'entend dans l'émission de Patrick Casals. Elle a fait de la radio. Dans le cadre, elle aurait été un petit peu âgée, c'était après la Deuxième Guerre. Henri Langlois a fait appel à elle pour des recherches documentaires. Il l'a fait travailler à la Cinémathèque. Et elle a rencontré à ce moment-là des réalisateurs et des acteurs et actrices de l'époque du muet. Et elle a voulu faire ce travail de sauvegarde, de mémoire. Donc il y a quantité de documents. Et parallèlement, elle a fait quelques émissions de radio qu'elle a intitulées « Les muets vous parlent ». Voilà, un beau titre. Pour Didier Blonde. Donc, c'est un personnage absolument formidable, ce Musidora. Bon, on en saura plus, donc, grâce à cette émission. Alors, JB Pontalis, là, vous avez voulu l'entendre, et c'est très bien, il est mort il y a quelques années. C'est quelqu'un qui a compté dans votre carrière littéraire, en tout cas, votre édition, dans vos éditions. Oui, ça a été, la rencontre capitale, décisive, pour moi, en tant qu'auteur. J'ai été amené le rencontrer par son meilleur ami, qui était Roger Grenier, un grand écrivain aussi, qui a disparu il y a très quelques peu de mois. Temps. Et travaillait, c'était les deux plus anciens chez Gallimard. Roger Grenier avait été mon premier éditeur chez Gallimard. Et puis, bon, il m'avait poussé à écrire un livre sur Baudelaire. Parce que Baudelaire est quelqu'un qui a énormément compté pour moi. Quand je lui ai donné le manuscrit, il m'a dit « c'est parfait, je vais le passer à JB », puisqu'on ne parlait que de JB, qui était dans le bureau mitoyen pour sa collection « L'un et l'autre ». Est-ce que ça vous va ? Moi, je suis tombé raide parce que, évidemment, j'avais énormément déjà d'admiration, sans jamais l'avoir rencontré, pour JB et Pontalis. Et 48 heures après, il m'a appelé et il a pris mon manuscrit. Ça a été le début d'un compagnonnage, d'une amitié. Il est devenu un ami très proche, très très proche, et a joué un rôle essentiel. Je veux dire, je n'aurais pas, comme quelques autres auteurs de la collection, je n'aurais pas écrit mes livres s'il n'avait pas été là et s'il n'y avait pas eu cette collection hors norme qui permet d'être à cheval sur plusieurs genres. Vous l'avez dit tout à l'heure en présentant ce que j'ai fait, il y en a qui ont une dimension romanesque, la plupart sont des récits avec des éléments d'autobiographie un petit peu indirects, des éléments d'essai. Tout ça se confond, il faut qu'il y ait un investissement, disons, un engagement personnel important. Voilà. Et c'est grâce à JB que j'ai pu, comme ça, de livre en livre, parce que j'en ai publié 4 dans sa collection, et puis d'autres dans la blanche, notamment L'inconnu de la scène, c'est grâce à lui que ça a été repris, que j'ai pu, je crois, vraiment avancer comme ça, et je lui dois beaucoup. C'était en plus un homme d'une élégance physique, vestimentaire, mais surtout intellectuel, d'humour extraordinaire pour lequel j'avais énormément d'admiration. Cette admiration n'a fait que se renforcer. J'aurais pu lui piquer beaucoup de ses titres, d'ailleurs. Je me retrouve tout à fait. Hein. Un homme disparaît, par exemple, perdu de vue, la traversée des ombres, tout ça, je me retrouve tout à fait dans son univers et son écriture. Alors, on va aussi parler... Oh, écoutez, l'inconnu de la scène, on entendra tout à l'heure Juliette Gréco parler, enfin, lire du Supervielle, et puis peut-être enchaînerons-nous au milieu de la nuit sur votre inconnu de la scène. Mais il faut quand même qu'on aborde le dernier roman qui est publié, qui a été publié il y a 2 ou 3 mois, début janvier, Le Figurant, donc chez Gallimard également. Alors, Le Figurant, ce n'est pas... c'est un homme muet. Le figurant, il est toujours muet, sinon c'est un artiste de complément. Sinon, on les appelle silhouette parlante. Silhouette parlante. Alors, il a droit à 6 mots, vous savez, c'est comme ça. Là. Maintenant, c'est très, très codifié. Contrat, oui, codifié. Un figurant a droit de prononcer 6 mots. Alors, ce n'est pas un figurant que vous avez aperçu dans un film d'Alice Guy, tiens, pour parler de quelqu'un de chez Gaumont. La première. Voilà, ou de chez Feuillade, ou chez je ne sais quel metteur en scène du muet. Le figurant, c'est vous. Oui, enfin, c'est mon narrateur, il s'exprime à la première personne. Je ne peux pas m'identifier totalement, mais je suis très content que vous fassiez cette assimilation, cette confusion. J'avais 4 ans de moins que lui, puisque ça se passe en février 68. Donc, peut-être précoce, mais pas au point quand même de vivre ces événements, ce qu'il a vécu. Mais c'est vrai qu'il me ressemble, ou je lui ressemble beaucoup, oui. Alors, racontez-nous un petit peu. Alors, écoutez... D'abord, il ne figure pas chez n'importe qui, hein, ce personnage, ce narrateur. Oui, il va être introduit comme figurant par inadvertance sur le tournage de Baiser volé. C'est le seul élément véritablement autobiographique qui est à l'intérieur du livre. Une toute petite anecdote, rapidement, montrée, on aura l'occasion, je crois, de parler de Truffaut, puisque Baiser volé, c'est le film de Truffaut. En 1976, je traversais la gare du Nord, la tête en l'air, je travaillais en banlieue, je passais souvent par là, quand un jour, je me suis senti assez brutalement tiré par le bras, ceinturé, immobilisé, comme ça, pendant plusieurs secondes, quand même, je me suis retourné, j'étais dans les bras de François Truffaut, qui était en train de tourner L'amour en fuite, qui est le dernier de la série des Doinel. Donc, ça m'a quand même frappé, j'avais énormément d'admiration pour lui. C'est cet élément, donc, authentique, que j'ai transposé, c'est la première page du livre, elle ne déflore pas énormément de choses, mais que j'ai transposé sur le tournage de Baiser volé, parce que le film me semblait beaucoup plus intéressant. C'est un roman, hein, Le Figurant, très intéressant comme film, outre c'est un film formidable. Tout le monde a en mémoire Madame Tabar, qui n'est pas une femme, mais une apparition, enfin bon, tous ces personnages. Et donc là, au début du livre, le personnage du narrateur, moi si vous voulez, transposé, descend la rue Caulaincourt à Montmartre, et il lui arrive ce qui m'est arrivé. Mais au lieu de partir au bout d'un moment, après avoir un peu regardé par curiosité la scène, il va s'incruster sur le tournage du film. Et donc il va participer au tournage de quelques scènes de Baiser volé en février 1968. Sur ce tournage, dès la première scène, arrangé là, qui se passe dans un café qui existe toujours, hein, qui s'appelait le Disque Bleu à l'époque, qui s'appelle maintenant le Cépage Montmartre 3, il est mis face à face, assis à une table devant une jeune fille, une jeune femme. Voilà. Et donc, on voit cette scène très très rapide où mon figurant, moi, est de dos, on ne voit que sa nuque, et puis cette jeune fille assez belle qui lui fait face. Et il a un coup de foudre pour elle. Et ils vont se retrouver sur une ou deux autres scènes. Et à un dans moment, un cimetière d'ailleurs, non? Avant le cimetière, parce que lui, le narrateur, il n'est pas... Une scène qui ne sera pas filmée d'ailleurs, dans le cimetière. Oui, et puis ils ne sont pas tout le temps ensemble, enfin il y a d'autres scènes où ils sont ensemble, et voilà, donc il a, on va dire, une aventure amoureuse très forte, c'est très court, hein, ça se passe sur quelques semaines, quelques jours, mais le contexte évidemment est très très stimulant, il se passe beaucoup de choses en même temps dans Paris à ce moment-là. Il y a 50 ans. Il y a Oui, mais là on est en février 68, c'est le moment, ce qu'on appelait l'affaire Langlois, dont on parlait tout à l'heure, qui avait été limogé, il y avait des manifestations, Truffaut participait à la défense de Langlois, et donc les figurants du film étaient invités à participer à ces manifestations, ce que fait mon figurant. Mais très vite, cette jeune fille disparaît inexplicablement du tournage, et donc... Le narrateur, qui est un petit peu plus jeune qu'elle, est un peu désappointé. Il va essayer de la retrouver dans les mois qui suivent, et notamment en mai 68 sur d'autres tournages. Et voilà, elle est disparue. Quand, 50 ans plus tard, donc, on est presque maintenant, à l'occasion d'un hommage qui est rendu à François Truffaut, il revoit ce film et les souvenirs lui reviennent et il veut savoir ce qui s'est passé à ce moment-là, pourquoi elle a disparu et ce qu'elle est devenue. Il n'en a plus jamais entendu parler. Alors qu'elle se destinait vraiment à faire une carrière, elle, d'actrice. Hein, et puis elle posait, elle était mannequin, etc. Donc il y a l'enquête contemporaine maintenant de nous sur le film, sur cette époque, sur ces fantômes, parce que beaucoup ont disparu. Alors en fait, Didier Blonde, quand on lit le figurant sans trop faire attention à votre date de naissance, etc., on se dit, on peut se dire que, parce que dans les autres romans, vous dites vous-même, je n'ai rien inventé. Leïla Maï, 1932, c'est bien elle. La comédienne disparue dans un accident de voiture aussi. Enfin bref, on se dit, Didier Blonde, c'est le narrateur, c'est Didier Blonde. Donc vous dites que non, mais en effet, vous n'aviez que 14 ans, vous auriez pu être un copain de Léo dans les 400 coups quelques années avant, mais là non plus les dates n'auraient pas correspondu, enfin bref. Et alors, il y a réellement un figurant qui existe, qui a figuré, si j'ose dire, dans Baiser volé, puisqu'il est dans la scène. La scène, elle existe, oui, dans le film. Oui. C'est un garçon qui est de dos, qu'on voit pas, ou très peu, ou fugitivement, oui, comme oui, la plupart des figurants, mais il doit vous détester maintenant, s'il a lu ce roman et qu'il a compris que vous accapariez son personnage ou sa figuration. Oui, je crois que personne n'est capable de le reconnaître, justement, c'est pour ça que je l'ai choisi. Il est de dos, et quand on le revoit... Malgré tout, peut-être non, est-il très amer. Si vous avez bien raison. C'est votre prochain roman, dont je vous donne une idée. Oui, ça va faire comme les autres. J'attends une suite, mais qui ne viendra pas de moi. Parce qu'évidemment, je suis ravi que vous le disiez, que vous assimiliez le personnage du narrateur à moi. Et on a vraiment l'impression, mais je crois que le livre est construit comme ça, de le prendre véritablement pour un récit. Alors c'est vrai qu'au fond, il y a cette petite différence d'âge, mais disons que c'est la vie que je prête à ce narrateur, c'est celle que j'aurais... rêvé avoir, j'ai eu en grande partie, donc je lui ressemble beaucoup. Non, mais c'est pas lui, il pourrait être qu'enchanté, au fond. C'est elle qui me fait face. Oui, oui. Et qui... dont vous attendez des nouvelles. Elle a un statut très très particulier, parce qu'à la fois, elle est figurante dans le film, c'est une femme qui existe véritablement à ce moment-là, et en même temps, j'en fais un personnage de roman, je lui prête un nom, une histoire qui n'a rien à voir. Alors, qui est-elle au fond? Elle est à cette frontière indécidable. Est-ce que c'est une personne réelle, une personne imaginaire? Et pourtant, elle est là. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Tous mes personnages sont comme ça. J'attends toujours. C'est une lettre envoyée poste restante à ce qu'elle revienne maintenant. Et qu'elle réapparaisse, il y a de fortes chances pour qu'elle soit parmi nous actuellement. Donc, il y aura peut-être un post-scriptum. En tout cas, le narrateur, le personnage de votre roman, le figurant, Didier Blonde, dit « Je n'ai tourné dans certains films, tourner c'est être figurant, dans certains films, que pour la retrouver. » Alors, Out One, Absence répétée, c'est vrai ça, le vrai Didier Blonde a joué dans ses vrais films ou pas du tout? Non, pas cela, mais non, parce que j'aurais été toujours une question d'âge, un tout petit peu trop jeune. Non, j'ai fait un tout petit peu de figuration, mais vous savez, un tout petit peu, ce qui me donnait disons une petite légitimité pour me dire « Oui, oui, moi je peux parler de ça ». Mais je me suis rendu compte que énormément de monde a été figurant. Peut-être que vous avez été aussi figurant dans un film. Je crois. Oui. Non, mais je pose la question à tout le monde. Beaucoup de personnes disent mais non. Ah, mais si, un petit peu comme ça. Presque tout le monde a été figurant à un moment ou à un autre dans un film. Donc ça n'a rien d'exceptionnel, en fait. Tout le monde est figurant. Bon. Mais on l'a peut-être sans le savoir d'ailleurs, parce qu'on est filmé dans la rue. Aussi. Maintenant qu'il y a des caméras de surveillance partout, on est filmé. Ouais, enfin, ce genre de figuration n'est peut-être pas. Ce statut de figurant, me plaît beaucoup. Hein. Est-ce qu'on est acteur véritablement, simplement nous-mêmes, par exemple? Bon, en tout cas, vous êtes écrivain, c'est l'essentiel. Didier Blonde, c'est votre nuit rêvée, et ça, c'est l'essentiel aussi. Nuit rêvée au cours de laquelle on va entendre dans cette première partie donc un ciné-club consacré à Musidora, puis un entretien que J.B. Pontalis avait accordé à Alain Weinstein en 2002 dans l'émission Du jour au lendemain. Et puis, on écoutera Juliette Gréco qui disait des textes de Jules Supervielle, dont le premier, c'était donc L'inconnu de la scène. Et puis, on se retrouvera, Didier Blonde, et on aura beaucoup d'autres sujets à aborder. Tiens, et à nouveau on reparlera d'être figurant, et puis Rocambole, et puis François Truffaut, bien entendu, parce que lui, il a existé, de même que votre narrateur figurant a existé.